Paroles de comptoir sur Fadjet, Lise Timon. Bienvenue dans Paroles de comptoir. Ici, on donne la parole à tous autour d'un sujet sociétal avec des personnes qui sont vraiment concernées. Aujourd'hui, on va accueillir Agathe Simonetta Gonzer, Sabrina Ben Mokhtar. Le sujet, c'est la place de la femme dans un milieu professionnel masculinisé. Alors, on va débattre autour d'une question philosophique, sociologique et juridique. Ça sera ce format d'émission de radio à chaque fois. Il faut savoir d'abord que j'ai choisi le thème masculinisé et pas masculin parce que c'est souvent on attribue des métiers féminins ou alors masculins en fonction donc du genre. Mais est-ce que c'est pas la société patriarcale qui impose cela, des métiers plutôt faits pour les femmes ou des métiers plutôt faits pour les hommes? C'est pour ça que j'ai délibérément choisi le terme masculinisé et pas masculin. Donc, on va présenter les intervenantes. Donc, je vais commencer par Agathe. Donc, Agathe, tu es contrôleuse en bâtiment. Je te laisse approfondir ta présentation. Bah oui, tout à fait. Donc, je travaille dans le monde du bâtiment depuis 4 ans, de formation ingénieur. Et du coup, ça touche les domaines notamment de la prévention du risque, le contrôle de la structure, pour la sécurité incendie et pour l'accessibilité handicapée sur tout type de projets, particuliers, publics, tertiaires. D'accord, donc tu es d'accord pour dire que tu es essentiellement entourée de personnes masculines. Oui, évidemment, d'accord. C'est un métier où les femmes sont peu représentées, malheureusement. Et oui, il y a encore beaucoup, une part importante d'hommes. D'accord. Voilà. Sabrina, donc toi, tu es adjointe au maire, lutte contre les discriminations. Donc toi aussi, tu dois être dans un environnement très entouré d'hommes. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Alors oui, Sabrina Ben Mokhtar, je suis maire adjointe en charge de la lutte contre les discriminations, l'égalité femmes-hommes, justement, et les droits humains. Et puis à la métropole, je suis conseillère déléguée en charge de l'insertion sociale et professionnelle. Alors oui, effectivement, malgré les lois sur la parité, le domaine politique reste vraiment marqué par les codes qui sont plutôt masculins, masculinisés comme tu l'as dit. Effectivement, c'est assez compliqué pour les femmes de naviguer dans ce milieu-là, mais ce qui n'empêche pas qu'on est nombreuses à le faire. D'accord. On va commencer par la question philosophique, donc la question philo. Selon vous, les femmes ou les hommes sont-ils ou sont-elles naturellement attirées par un métier par leur prédisposition biologique? Il y en a encore qui le pensent. Ou alors plutôt attirées par tel ou tel métier en raison de la construction sociale, donc c'est-à-dire pour être un peu dans les clichés, les femmes vers les métiers plutôt dits sensibles, sage-femme, infirmière, les métiers empathiques, tout ça, elles sont naturellement attirées par ça. Ou alors c'est parce que il y a une injonction sociale qui les pousse à aller vers ce genre de métier. Donc vous, par exemple, comment vous... Parce que vous êtes complètement en dehors de ce système. Donc est-ce que vous avez ressenti des injonctions sociales qui vous ont poussé à limite être à contre-courant? Ou alors c'est pour vous naturel d'aller vers les métiers un peu plus virils, on va dire, notamment pour Agathe? Bah écoute, moi je pense que tout ça, c'est une question de stéréotypes de genre. Et que c'est lié au fait que, en fait, de toutes parts et de tout milieu, on a des choses qui infusent sur nous, et notamment l'éducation, que ce soit dans le foyer familial ou éducation nationale à l'école, ou même dans tout ce qui nous environne, nos amis, tout ça. Il y a énormément de choses qui sont un peu prédéfinies, des croyances, comme quoi... les femmes seraient plus douces ou auraient plus une vocation à aller par nature biologique dans certains domaines. Et voilà, je pense que c'est une construction effectivement culturelle et sociale. Et malheureusement, voilà, c'est encore le cas aujourd'hui. Est-ce que toi, tu as eu cette impression d'être à contre-courant pendant tes études ou quand tu as commencé à exercer en tant que contrôleuse au sein de ton entreprise, majoritairement entourée de collègues hommes ou tout ça? Est-ce qu'on t'a fait des remarques Oui, souvent on s'étonne de voir qu'on est une femme, et qui plus est quand on est coquette, voilà. Oui, je précise, elles sont toutes les deux coquettes. Voilà, enfin, quand on est dans un environnement où il y a énormément d'hommes et où on doit faire sa place, bah, effectivement, on essaye de se sentir légitime. Et est-ce que, et moi je l'ai ressenti rien qu'en nombre, en termes d'effectifs, rien que ça, on se sent un peu seul parfois. Et dans les études, même dans l'orientation dès l'adolescence, et là on cherche qu'est-ce qui va nous plaire, vaste sujet. Tu t'es jamais dit, je suis pas allée dans ma bonne voie, j'aurais dû m'orienter plus vers un métier plus doux, plus... Non, moi j'ai écouté ce que j'aimais les mathématiques, j'aimais les sciences dures, la physique, et en fait, ouais, on m'a jamais bridée à aller dans un certain domaine où, voilà, personne, que ce soit... mon environnement familial ou même mes profs, voilà. On t'a toujours laissé le choix, on t'a jamais dit... Voilà, mais je sais que ça doit... À mon avis, ça vient de plus jeune, pourquoi les filles, elles sont plus orientées ou elles ont moins confiance en elles. Parce que, voilà, pourquoi, par exemple, à la naissance, on offrirait des poupées à des filles et pas une boîte à outils C'est sûr. Oui, c'est vrai. Et toi, par exemple, dans ton enfance, est-ce que tu avais tout type de jouets ou... Moi, j'avais tout type de jouets. Oui, c'est jouets aussi. Ça peut jouer, ça aussi. Mais voilà, sachant la construction sociale. C'est l'éducation, voilà. Sachant que tu as un frère, donc potentiellement, tu jouais beaucoup avec lui. Oui, forcément, ça influence aussi. Ça montre que ça impacte. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles tu t'es orientée plus vers ce genre de métier que d'autres. Peut-être, effectivement. Et toi, Sabrina, alors ? Bah, j'aimerais d'abord venir sur la notion de coquetterie. Je pense que c'est vraiment important. Et j'aimerais rassurer les auditeurs et les auditrices, la longueur de ma jupe n'est pas proportionnelle à mon quotient intellectuel, ni à ma capacité à connaître et gérer mes dossiers. Et j'ose espérer qu'en 2025, on ne juge pas la qualité de mon travail à la taille de ma jupe, au même titre qu'on ne se soucie pas de la couleur d'une cravate ou de la couleur d'un costume pour juger la qualité du travail d'un homologue masculin. Et pour revenir à la coquetterie, elle est souvent dévalorisée parce qu'elle est associée chez les femmes à une forme de superficialité, en fait. Et d'autre part, pour certaines femmes, pour certaines personnes, certaines femmes pourraient même penser que c'est pas féministe que d'assumer cette coquetterie. Mais dans ce contexte-là, ma coquetterie, c'est un acte politique parce que c'est authentique, parce que c'est un acte de résistance. C'est-à-dire que je ne surjoue pas la féminité, des traits féminins, je ne force pas la féminité, mais je refuse simplement de nier, en fait, ou de renoncer à des traits de personnalité qui sont les miens simplement être prise au sérieux. Et pour en revenir à ta question sur la question de la construction sociale ou l'essence naturelle, je rejoins totalement ce qu'a dit Agathe, hein. Ça passe par les jouets, ça passe par les vêtements, ça passe par les métiers, et même j'irais jusque les émotions qui sont autorisées ou pas. Vous savez, quand on dit les garçons pleurer c'est mal, c'est être une fille, c'est être faible. Par contre, les garçons ont le droit d'être en colère, c'est même un peu gage de force. Voilà, je montre ma vérité, je suis fort, alors qu'une femme, lorsqu'elle se met en colère, elle est tout de suite taxée d'hystérique. Et par exemple, toi, quand t'as l'occasion de faire des discours ou que un peu revendicatifs, est-ce qu'on t'a déjà dit mais t'es une femme, tu t'énerves, ou pas pris au sérieux parce que justement t'es une femme et parce que tu t'énerves, auquel cas, en tant que femme, tu dois être toujours calme Alors, essence naturelle, je dirais. C'est plutôt mon tempérament d'être calme, ce qui n'empêche pas d'avoir des discours qui peuvent être pleins de vigueur. Mais est-ce qu'on t'écoute autant que quand tu t'énerves ? Alors, on m'écoute autant... Qu'un homme, hein. Oui, on m'écoute autant, oui. Mais c'est vrai que les hommes qui ont tendance à avoir le verbeau, les grands tribuns, en politique, les grands tribuns sont mis sur un piédestal. Je pense à Jean-Luc Mélenchon, je pense à ce genre de figure. Et effectivement, les femmes, même dans le spectre politique, quand on voit les personnalités politiques féminines, on ne parle pas de tribun au féminin. Malheureusement, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. Bien sûr que ça doit exister, mais ce qui caractérise en fait un tribun, ben, malheureusement, les femmes ne rentrent pas dans cette catégorie-là. Et pourtant, il y a énormément de femmes qui sont très bonnes politiquement. Oui, c'est sûr. C'est juste qu'on ne les met pas en avant. Tout et pour quand même citer l'une des plus connues aujourd'hui, Marine Le Pen, elle est quand même l'une des femmes politiques les plus connues. Mmh. Mais elle a un côté, à mon sens, hein, c'est mon avis personnel, quand même... virile. Ça veut dire qu'elle s'impose, elle est très neutre, bien et limite, elle est acceptée dans notre environnement politique parce qu'elle sait faire face aux hommes et parce qu'elle elle représente une forme d'autorité. C'est comme ça que je le vois. Et à contrario, moi, je donnerais l'exemple d'une femme qui a tenté de faire ça pendant la présidentielle La dernière présidentielle, c'était Valérie Pécresse. Je ne sais pas si vous avez vu. Et ça a été un naufrage total. Elle a voulu... Énormément de moqueries. Exactement. Vis-à-vis de ça. C'est sûr. Alors, je vais en profiter pour passer à la question sociologique. Justement, est-ce que selon vous, y a-t-il des stratagèmes à adopter pour s'imposer dans un environnement professionnel masculinisé? Donc, par exemple, adopter telle tenue, parler de telle ou telle façon. Est-ce que vous avez dû adopter un comportement qui n'est naturellement pas le vôtre pour vous imposer et donc déjà pour vous imposer par rapport aux hommes face à vous, que ce soit collègue, que ce soit concurrent, mais aussi pour rayonner à votre hauteur. Donc Agathe, est-ce que... Alors je pense qu'au début, quand j'ai commencé dans le monde du travail et que j'ai voulu faire ma place, je pense que j'ai fait attention à tout ça, à mon image, à comment je pouvais être perçue. Et avec l'expérience, je me suis rendu compte que ma coquetterie ou, comme tu dis, la longueur de ma jupe ou la longueur de mes ongles n'influence pas et n'a rien à voir avec mon niveau de compétence. Yeux, oui, mais aux yeux des autres. Oui, bien sûr, aux yeux des autres, je pense que ça a pu être un poids par moment au début, quand peut-être je manquais de confiance en moi dans les premiers temps, dans les premières années professionnelles. Sachant que tu es jeune. J'ai appris à relativiser, à me dire que ce choix-là, il doit être fait pour moi, en fait. Si je décide de me faire jolie, de me maquiller ou de m'habiller d'une certaine façon, c'est parce que moi, je le veux et ça doit pas être un choix pour mon travail et pour les gens. Mais est-ce que avant, à tes tout débuts, par exemple, quand tu te rendais sur chantier et que tu avais en face de toi majoritairement des ouvriers masculins, parce que les ouvriers sont majoritairement des hommes, est-ce que tu as stressé? Est-ce que tu t'as adopté une certaine tenue en réfléchissant avant pour te dire comment je vais les aborder, comment je vais me faire respecter, alors, est-ce qu'ils vont me faire des remarques, et qu'après on passera aussi aux architectes, maîtres d'œuvre, etc. Parce que c'est pas que... Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, catégorie... le sexisme, il n'a pas de limite. De catégorie socio-professionnelle. Voilà, exactement. J'ai pu en rencontrer autant avec des ouvriers qu'avec des personnes cadres, sup. Et oui, effectivement, déjà sur chantier, il y a une question de praticité. Mettre des talons, effectivement, pour aller dans un chantier de VRD, dans de la boue, je ne vais pas m'y aventurer. Donc, moi, c'est surtout être confortable, je pense, avant tout. Coup, au début, peut-être, effectivement, je me disais, je vais mettre un menton plus long pour que ça me couvre les fesses ou pour être plus à l'aise. Est-ce que tu stressais? Et au début, ouais, parce que je connaissais pas en fait comment ça pouvait se passer et peut-être que je me disais je vais me prendre des réflexions, ça va m'impacter et en fait aujourd'hui je pense que vis-à-vis de ça, avec l'expérience et la prise en confiance, je vais pas dire que je m'en fous, mais je sais quoi répondre et je sais quand ça vaut le coup de répondre aussi ou pas. Est-ce que j'y mets mon énergie ou pas? Donc selon toi, faut pas répondre à chaque fois? Non, pas nécessaire. Tu penses pas qu'il y a une éducation à... plutôt une sensibilisation justement au féminisme dans ce genre de milieu? Bien sûr, mais il y a répondre, forcément, je ne me laisse jamais faire, mais convaincre, c'est autre chose. Je ne pourrais pas convaincre une personne non plus, tu vois. Donc, il faut savoir jusqu'où je mets ma jauge d'énergie là-dedans, en fait. Ouais. Voilà. Et au début, oui, plus. Et aujourd'hui... Au quotidien. Beaucoup moins aujourd'hui. D'accord. Et toi, Sabrina, est-ce que tu dois adopter certaines postures? Est-ce qu'il y a un code vestimentaire ou des façons de parler que tu ne peux pas te permettre parce que tu sais que tu seras décrédibilisée en raison de ton genre? Est-ce que tu utilises tous les jours au quotidien des stratagèmes, en fait? Eh bien, écoute, au début, je pense que ce dont parlait Agathe, c'est un peu ce syndrome d'imposteur lorsqu'on arrive dans un milieu qui nous rejette. Parce que on sent tout de suite qu'on est le cheveu sur la soupe. Et donc, par tous les moyens possibles et imaginables, on appelle ça peut-être parfois des micro-agressions, des petits trucs, parfois des trucs qui paraissent insignifiants si on les raconte. Des agressions sexistes. Tout à fait, parfois agressions sexistes, mais parfois c'est beaucoup plus insidieux que ça, c'est beaucoup plus, beaucoup plus caché, beaucoup plus subtil que ça, et effectivement c'est quotidien. Et donc au début on arrive et on a forcément ce syndrome de l'imposteur, même si on ne laisse pas transparaître, mais au tout début je me posais énormément de questions. Heureusement j'avais des personnes autour de moi qui étaient bienveillantes, Et je leur dis, mais si je dis ça, si je fais ça, est-ce que je peux encore faire ci, est-ce que je peux encore faire ça? Et je me posais énormément de questions. Et j'en suis venue à la conclusion de me dire, en fait, Sabrina, quoi qu'il arrive, de toute manière, on ne te veut pas dans ce milieu. Donc, tu as beau être parfaite, on trouvera toujours quelque chose. Tu te sentais rejetée à tes débuts? Pas rejetée par des personnes en particulier, mais par un système. Par le système, c'est vraiment systémique. C'est vraiment... on a l'impression, pas par des regards parfois, parfois certaines personnes qui ne nous regardent pas, enfin ignorent notre existence, nous coupent la parole, ou alors font autre chose quand on prend la parole. Enfin, ce sont des petits trucs comme ça au quotidien qui font que on sent bien qu'il y a une résistance du système. Et est-ce que que ce soit, toi aussi, tu as traversé plusieurs, t'as en face de toi différents. Différents publics. Je sais que tu as été militante à un moment, non? Quand Benoît Hamon s'est présenté, c'est exact. Ça. Est-ce que par rapport... donc toi, tu étais une militante féminine. Par rapport aux militants masculins, est-ce que tu sentais que tu étais moins écoutée ou est-ce que tu étais moins crédible aux yeux des autres, par exemple? Alors, aux yeux du tout un chacun, c'est-à-dire lorsqu'on allait militer, absolument pas, au contraire. Ah, d'accord. Absolument pas. Je n'ai pas ressenti, par contre, parfois dans les partis, hein, fonctionnement au sein même du parti. Au sein même du parti, effectivement, il y a toujours on est confronté, et je pense que c'est là, et la raison pour laquelle les femmes ne s'engagent pas, ou même quand elles veulent s'engager, c'est l'un des gros freins, c'est lorsqu'elles veulent s'engager dans des partis ou dans des structures. Alors, l'associatif peut-être un peu moins, mais particulièrement dans les partis, on sent tout de suite en fait qu'il y a toujours, les partis sont encore marqués par cette domination finalement masculine où les hommes vous font bien ressentir que les femmes, par différents comportements, vous êtes tolérées et pas toujours. Et puis lorsque vous osez prendre la parole et être assertive et vous opposer finalement à ce qu'un homme aurait décidé à un moment donné, vous êtes sûre de vous prendre le retour de bâton. Ouais. Et est-ce qu'ils te font te sentir, par leur façon de s'exprimer, inférieure ou est-ce qu'ils te décrédibilisent en public quand, par exemple, tu portes des projets auprès d'autres Alors, plus maintenant. Ah oui, comment tu as fait pour t'imposer Mais je pense que c'est un travail sur soi, c'est un travail de confiance en soi, c'est un travail de pouvoir s'assumer tel qu'on est. En fait, dès que les gens sentent qu'on s'excuse d'être là, parce que c'est perçu, ils voient tout de suite la faille et donc ils vous attaquent. Mais à partir du moment où ça vous coule vraiment dessus, comme si vous y êtes totalement imperméable, même si on n'est jamais totalement imperméable, mais on donne l'impression d'être totalement imperméable, et qu'on continue, on n'est pas découragé. Là, je pense qu'il y a une forme de respect, de mince, je n'arrive pas à l'atteindre sur ce terrain-là. Donc, du coup, je vais plutôt l'atteindre comme je cherche à atteindre un homologue masculin. Je vais l'atteindre sur du fond et moins sur son apparence et moins sur son genre. Et est-ce qu'on t'a déjà... Donc, tu portais une idée, une personne n'était pas d'accord avec toi, ou alors tu brillais plus qu'elle, donc tu t'es fait attaquer sur ton physique, ou est-ce que ça s'est déjà arrivé ou... Eh bien, c'est même pire que ça. Je vais donner un exemple. C'était pendant la campagne de 2020. Donc, on était à une certaine réunion, on était autour de la table. Et donc, moi, en tant que... Parce que ma fonction, je suis élue, mais j'ai un métier à côté. Donc, je suis communicante. Et donc, je donnais mon avis en tant que communicante sur une affiche et sur ce que devrait être une affiche. Et bon, on ne m'écoute pas... On passe, et puis limite, on lève les yeux au ciel quand je prends la parole. Et puis, un homme juste à côté, qui était lui aussi communicant, répète exactement ce que je dis. Et là, tout de suite, c'est « Ah ouais, très très bonne idée !» Et comment t'as réagi? Comment j'ai réagi? Sur le coup, j'ai serré les poings parce que je venais d'arriver, en fait, c'était au tout début. Donc, je n'avais pas saisi tout à fait comment... Enfin, j'attends de bien saisir les informations, puis aussi les relations. Enfin, sur qui je peux me reposer, sur qui je ne peux pas me reposer, essayer d'identifier un petit peu l'environnement en fait dans lequel je vais. Donc je n'ai rien dit sur le coup, mais j'ai serré les poings. Et aujourd'hui, tu réagirais comment? Non, aujourd'hui, là, littéralement, je ferai la remarque, je prendrai la parole. C'est mon idée. C'est mon idée, super, je suis ravie d'avoir un perroquet, enfin quelque chose comme ça. Mais toujours dans l'humour, j'essaie toujours de le faire un peu avec humour pour pas trop braquer. Sauf et si justement, c'est vraiment... l'humour, tu penses pas que ça participe au fait que la femme, elle est moins prise au sérieux et vu que l'humour, des fois, c'est pas assez pris au sérieux, tu penses pas que ça, finalement, ça te dessert ? Non, quand je dis l'humour, c'est l'humour un piquant. Peu piquant. Voilà. Ok. Et toi, Agathe, est-ce que t'as vécu un peu ce genre de choses dans ton environnement avec un collègue ou quelqu'un, un architecte à qui tu vas dire ça c'est pas bien, faut refaire Justement, en fait, je trouve qu'en tant que femme, dans ce milieu, on a des fois pas le droit à l'erreur. Et au début, j'étais souvent à vouloir tout maîtriser sur le bout des doigts. Je me dis, on va pas me louper, en fait. Et c'est le cas, hein. Dès que je me trompais, en fait, on était tout de suite dans la moquerie, où je sentais que ça soufflait du nez, parce que, j'avais dit quelque chose qui était évident pour une personne qui a 20 ans d'expérience, forcément, mais on est là pour apprendre, on apprend toujours. J'ai appris aussi à être indulgente avec moi-même. Parce que c'est un outil pour réussir, savoir garder toujours la tête haute, comme tu disais, Sabrina, et rester solide et maîtriser ses sujets. Mais c'est aussi fatigant d'un autre côté. Ouais, c'est ça. Et en rentrant le soir chez soi, éviter de ressasser et toujours dire « Ah, j'aurais dû faire ci, ça ». En fait, il n'y a pas d'erreur, j'apprends. C'est ça. Est-ce que tu as une expérience un peu qui t'a un peu choquée avec une personne dans le milieu professionnel qui vraiment là tu t'es dit elle m'écoute pas, elle me prend pas au sérieux Effectivement moi j'ai mis des avis suite à contrôle sur chantier. Oui, donc il y a quand même une autorité, sans cet avis là le chantier ne peut pas avancer. Mais après ils engagent leur responsabilité. Voilà, exactement. Donc il vaudrait mieux les prendre en compte, en voilà. et effectivement il y a eu des chantiers où par exemple, sur une pause de menuiserie, des jours apparents, le calfeutrement n'était pas du tout assuré, il y avait un risque de pérennité évident, argumenté, illustré de photos, et en fait, la personne m'a pris en grippe, l'entreprise, et a envoyé un mail assassin en copie à tout le monde, avec des mots très dénigrants, en disant que j'étais incompétente, Et en fait... Juste parce qu'en fait, ils n'étaient pas contents de devoir refaire des choses, Il y avait aussi un peu de mauvaise foi. C'est souvent, ça arrive quand c'est à l'oral. Voilà, je sais me défendre, je sais montrer. Mais là, à l'écrit, avec en copie tout le monde, dont mon client, dont les autres intervenants qui n'étaient pas du tout concernés par ce sujet. J'avoue que j'étais assez... Enfin, sur mes débuts, j'étais assez froissée. Oui, normal. Et en fait, j'ai quand même reçu le soutien d'une personne extérieure qui a dit « Non, mais elle a complètement raison. Ouais. » Retour de mail et mon client a dit vous reprenez cette menuiserie et vous arrêtez de... Voilà. Mais effectivement, le niveau de colère dans le mail était complètement disproportionné par rapport aux arguments avancés. Celui qui a écrit ce mail, c'était quoi son statut professionnel ? C'est un chef d'entreprise. D'accord. Et le chef d'entreprise, la majorité des chefs d'entreprise à qui tu fais face, c'est des hommes ou des femmes ? Ouais, c'est souvent des hommes. D'accord. Et avec les femmes, ça se passe bien ou... Alors, justement... on aborde un peu le sujet. Est-ce qu'il n'y a pas une concurrence entre les femmes pour justement s'imposer ? Non, justement, je trouve que dans mon domaine, en tout cas le monde du bâtiment, on a énormément de sororité. Et je pense que c'est quelque chose qui est fort et qui permet aussi de soutenir cette solidarité entre femmes. Et à chaque fois que je rencontre des femmes, globalement... En fait, il n'y a pas de concurrence, on se soutient et ça fait du bien, vraiment. Ouais. Ça fait vraiment du bien et c'est pour ça que ça mériterait d'être plus féminisé. Mmh. Et j'ai par exemple un exemple d'une situation pareille où problème sur chantier, il manque à peine 50 cm de fondation, mais c'est énorme pour il n'y avait pas le niveau suffisant, donc avis défavorable. Et là, pareil, réaction très virulente du chef d'entreprise. Et sur ce chantier, on avait une architecte qui était une femme en fin de carrière. Et je me suis fait incendier de tous les noms. Et cette personne a pris ma défense et a demandé à ce que des excuses me soient apportées, ce qui ont été faits. C'est bien, ça traduit en... Bon, mâché, fait quand même. Et elle a pris le soin de m'appeler et de me demander si ça allait. Elle m'a dit que personne ne devait remettre en cause ma compétence et ma confiance en moi. Ah, c'est bien ça. C'était fort et j'ai énormément apprécié ça parce que c'était de la sororité, mais intergénérationnelle. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Même si elle est en fin de carrière, elle a quand même apporté son soutien. Elle a eu voilà, les mots justes en plus. Les mots justes, et elle m'a dit un conseil, elle m'a dit « Agathe, continuez et elle m'a dit « main de fer dans gants de velours voilà. ». C'est ça. Ah, oui. La magie de la sororité, en fait. Ah, mais... Et toi, Sabrina, enfin, vas-y. Non, voilà, je voulais juste terminer que c'était une très belle expérience que j'avais eue avec la sororité dans ce milieu. Quoi. Continuez sur cette voie. Et toi, Sabrina, dans tes expériences politiques par rapport aux femmes, est-ce qu'il y a de la concurrence, que ce soit au sein du même parti ou en opposition? Est-ce que vous vous aidez ou, Globalement, la raison pour laquelle j'ai réussi à tenir et les personnes qui m'ont poussée, qui ont cru en moi, sont majoritairement des femmes. Vraiment. Qui font de la politique aussi ou... Alors, qui font de la politique, pas nécessairement en étant personnalité publique comme moi, mais... parfois plutôt dans des cabinets, ou plutôt en tant que collaboratrice, ou voilà, plutôt dans des postes qui sont un peu plus administratifs. Mais il y a certaines qui étaient des femmes politiques, donc, notamment Aurélie Filippetti, que vous connaissez peut-être. Et il y avait aussi Sandrine Rousseau, avec qui j'ai pu travailler. Et effectivement, ce sont ce genre de femmes-là qui nous donnent, qui nous poussent en fait, et qui nous donnent envie de nous engager. Et c'est vraiment grâce à elles. Quand j'étais démotivée, quand j'ai dit « j'y arriverai pas, j'ai pas envie », puis même au début, je voulais même pas être élue. Donc elle m'a dit « si, tu vas y aller ». C'était Sophie Taillé-Poyant, l'ancienne sénatrice, maintenant députée, qui m'a dit « non, Sabrina, tu vas y aller. Écoute, on croit en toi, tu vas y aller ». Moi, j'ai dit « non, mais je veux pas ». « Si, tu vas y aller, tu vas réussir ». Pourquoi t'avais peur de pas réussir? T'avais peur de pas être... Non, j'avais pas peur de ne pas réussir, mais en fait, je suis jeune, je suis une jeune femme, et je me suis dit « le poids d'être une personnalité publique » pouvait être beaucoup trop lourd, surtout que j'avais vécu une expérience assez négative. Je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir à regarder par-dessus mon épaule. C'est quelque chose qui m'effrayait énormément. Je me suis dit, voilà, je vais plus avoir le droit de vivre et d'être une jeune femme. Et donc, ça revient à la question... Ah, donc le droit d'être une jeune femme. Ouais, c'est ça. Ça revient à la question de ne pas avoir le droit à l'erreur. Et pourquoi le droit d'être une jeune femme? Enfin, qu'est-ce que t'appelles le droit à être une jeune femme? Mais ça veut dire justement assumer cette coquetterie-là, assumer de pouvoir boire un verre avec des copines sans avoir à regarder par-dessus son épaule tout le temps. Est-ce que je vais rencontrer des collègues? Est-ce qu'on va venir m'embêter? Est-ce qu'on va m'afficher je vais en soirée? Voilà, tout c'est ça. Est-ce que si je bois un verre d'alcool, ça va finir sur Twitter? Ouais. Oh là là, elle boit un mojito. Enfin, comme la présidente c'est en Islande. C'est ça, c'était la première ministre. C'était Sanna Marin, c'est l'équivalent de président. Et je me suis dit, mais de toute manière, ça va arriver et ça va continuer d'arriver ce genre d'événement, puisqu'on est dans une nouvelle ère entre guillemets avec des femmes politiques qui sont jeunes, qui s'assument et qui assument pleinement leur féminité. On n'est plus dans l'ère Angela Merkel où c'était un peu plus rigide, fermé, un peu plus âgé. Là, on est des jeunes femmes. Et tant mieux. Voilà, c'est ça. Et tant mieux. Il faut des modèles. Exactement. Et je me dis, elle a pris tellement cher, mais je suis tellement reconnaissante, pour ce qu'elle a fait. Pour moi, c'est vraiment une martyre, parce que elle a ouvert la voie et il va y en avoir d'autres jusqu'à ce que ça devienne normal, jusqu'à ce que ce soit un non-sujet. Parce que c'est pas parce qu'on est élu ou même qu'on exerce un métier à responsabilité comme le tien, Agathe, qu'on n'a pas le droit d'avoir une vie à côté. Exact. En tant qu'être humaine ou en tant que jeune femme, que jeune homme, enfin bref, tout ça. Et c'est vrai qu'il faudrait dissocier, mais j'ai l'impression, personnellement, par rapport à vos discours, qu'on va moins reprocher quelque chose à un homme. Tout à fait. Je m'en énerve certains. Et en même temps, on va plus reprocher à certaines femmes de se comporter ainsi dans sa vie privée parce que il faut qu'elle, en fait, elle a double responsabilité plus qu'un homme à assumer à la fois il faut qu'elle soit clean en fait, que ce soit dans le milieu professionnel où elle doit faire ses preuves en termes de compétences, mais également dans la sphère privée où elle doit être clean et qu'on lui reproche rien pour pas entre guillemets être salie. Pour moi, ça revient à ce qu'on disait au début, c'est une construction sociale. Du fait que on a des attentes, la société a des attentes prédestinées sur un peu la théorie du genre. Une femme, elle doit être comme ci, comme ça, elle doit être douce. Et en fait, dès qu'il y a une erreur, dès qu'elle sort de ce cadre, ça, voilà, c'est soumis à critique. Et en fait, ouais, je ne sais pas ce que tu en penses, Sabrina. Mais... Ouais, non, mais je suis totalement d'accord. Et puis, ça revient à ce que tu disais, Aga, tout à l'heure, même en travaillant deux fois plus ou même quatre fois plus lorsqu'on est jeune et en plus issu de l'immigration, comme c'est le cas pour moi, on n'est pas à l'abri qu'il y ait Jean-Michel qui décide que le son ne colle pas à l'image. Quoi. Oui. Donc, effectivement. Et puis, j'aimerais aussi qu'on revienne sur l'idée de dire en fait, qu'il faut impérativement qu'une femme. Enfin, on ne peut pas normaliser le fait qu'une femme doive surperformer à chaque fois pour pouvoir être légitime. Ouais. Ça, c'est vraiment... Nous, on le dit parce qu'on se dit, ouais, on travaille deux fois plus, mais en fait, c'est pas normal. Oui, oui. Et en fait, il faut qu'on accepte le droit à l'erreur. Exact. Et en fait, ça, c'est hyper important. Et que le droit à l'erreur ne soit pas synonyme d'incompétence, déjà, parce que, de manière générale, que ce soit homme ou femme, et aussi, et encore plus, quand on est une femme. Oui, exact. Exactement. Et ça me permet de rebondir sur la question juridique, maintenant. Donc, une petite question juridique quand même, c'est est-ce que selon vous, les lois sur la parité, que ce soit en politique ou en entreprise, favorisent vraiment, ça favorise nécessairement l'intégration de la femme à certains postes auxquels elles n'ont pas encore facilement accès, ou alors ça décrédibilise justement l'image de la femme dans ses compétences. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Honnêtement, je pense que les lois sur la parité sont absolument indispensables. Oui. La société, elle a historiquement... Il faut savoir que c'est une discrimination positive quand même. Tout à fait. Mais la société, elle a historiquement en fait, exclu les femmes des sphères de pouvoir. Et ces lois, elles permettent rien de plus que de rééquilibrer les choses et de donner leur chance à des femmes qui sont compétentes et qui auraient été naturellement, malheureusement, écartées. Alors, selon toi, comment l'histoire a écarté les femmes de certains... De certains postes de travail, par exemple la responsabilité notamment. Mais il y a le conditionnement, déjà ça commence, ça a été dit, il y a eu le conditionnement social. Et puis j'aimerais aussi rappeler que pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les hommes étaient au front, ça n'a dérangé personne que les femmes occupent des postes techniques pour remplacer les hommes. Et puis une fois que la guerre était finie, elles sont retournées entre guillemets au fourneau. Donc du coup, ça, c'est, quand tu posais la question en disant est-ce que c'est inné, est-ce que c'est biologique ou est-ce que c'est quelque chose qui a été construit, là on a la preuve. L'histoire prouve que c'est quelque chose qui est une construction, en fait. C'est un conditionnement qui, lui, est social. Et puis, j'aimerais ajouter que ce n'est pas un privilège. J'aimerais vraiment insister sur le fait que ces lois sur la parité, ce n'est pas un privilège, mais c'est une forme de justice, c'est une forme d'équité. Et permets-moi d'ajouter que ceux qui critiquent, en fait, ces lois ne se questionnent jamais sur pourquoi les hommes qui sont majoritaires dans ces instances de pouvoir sont souvent moins compétents que leurs homologues. Alors bon, moi je ne peux pas dire qui est compétent ou incompétent. Pour moi c'est neutre, ça relève vraiment des compétences. Oui, en fait ce qui est aussi dommage c'est qu'on parle beaucoup de parité, mais d'insertion de femmes dans des milieux masculinisés, mais on ne parle pas non plus des femmes à des postes de responsabilité et dans des comités de direction. Oui, et ça aussi, ça manque énormément. Et c'est une situation qui est, à l'heure actuelle, toujours le cas. Oui. Et en fait, ce qu'on disait, c'est que ces situations, elles sont malheureuses, quoi, en fait. À ces personnes qui vont vous répondre, oui, mais la loi sur la parité, finalement, ça amène des personnes qui peuvent, des femmes, qui peuvent ne pas être compétentes, déjà. Et ensuite, pourquoi on a besoin de ça pour... à faire monter ces femmes ou des femmes à certains postes à responsabilité, alors que si elles le sont pas entre guillemets en fonction, enfin parce qu'elles postulent et qu'elles sont pas prises, est-ce que c'est pas parce que en fait elles ont juste pas les compétences? Parce que moi j'ai entendu ce genre de discours. Chance, en fait. Oui, on leur laisse pas leur chance déjà de base et je pense que oui effectivement ces lois elles sont nécessaires parce que c'est une situation inégalitaire Après, imposer, c'est toujours... Alors, les entreprises ne font pas l'effort, en fait. Alors, j'ai regardé, il y a une loi en 2011, Copé-Zimmermann, qui impose qu'il y ait, je crois, 40% de femmes dans les conseils d'administration, dans les sociétés cotées ou avec plus de 500 salariés. En 2021, c'est la loi Rixin, un truc comme ça, qui impose, normalement, qui est 40% de femmes dans les instances dirigeantes et dans les cadres dirigeants également. Maintenant, est-ce que c'est respecté? Je ne sais pas, parce que déjà, les femmes ne postulent pas naturellement à ce genre de poste, parce qu'elles estiment, elles croient qu'elles ne sont pas légitimes, alors qu'elles le sont. Donc déjà ça naturellement. En elle, hein. Et aussi en politique, il y a des lois sur la parité, mm-hmm. mais la seule sanction, c'est payer une amende ou alors avoir moins de subventions publiques. Est-ce que ça, ça influence beaucoup est-ce que ça amène les partis politiques à respecter Alors, certains partis politiques préféreraient payer une amende que laisser les femmes. Je peux vous dire qu'il y a certains politiques qui l'assument, certains partis politiques qui l'assument complètement. Et moi, j'irais même jusque plus loin, parce qu'en disant, certains disent la loi sur la parité, c'est bien jusqu'à ce qu'on atteigne en fait un changement des mentalités. Sauf que moi, je dirais que même si on atteint ce changement de mentalité et qu'on arrive en fait à cette entre guillemets parité naturelle, même si pour moi ça n'existe pas, je pense qu'il faudrait quand même un verrou les garder parce qu'on n'est pas à l'abri de régresser à un moment donné ou que quelqu'un décide de remettre en question en fait d'autres thématiques comme l'avortement. Exactement, on peut voir que ça régresse. Ouais. Exact. Voilà. De toute façon, les lois sur la parité, elles sont nécessaires tant qu'on est dans une société patriarcale, et pour l'instant, on l'est toujours. C'est ça. Donc, on ne pourra pas... pour l'instant, il faut le maintenir. Mais vous noterez qu'on empêche jamais... qu'on empêche rarement une femme d'être ouvrière. C'est souvent, comme ça a été dit, dans les conseils d'administration ou les lieux de pouvoir qu'on expérimente ce fameux plafond de verre. Plafond de verre, c'est ça. Pour conclure, il y a en ce moment, j'ai lu ça dans un journal... Il y a apparemment plus de femmes de plus en plus féministes, mais également plus d'hommes de plus en plus masculinistes. Est-ce que vous le ressentez ? Totalement. Ah oui. Dans votre milieu professionnel ou de manière générale ? En général, c'est de plus en plus clivant, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit même dans les discours des gens qu'on entend. Donc il y a une division entre les genres de plus en plus marquée. C'est une polarisation, je pense que c'est lié à MeToo. Alors pas que je remette en question MeToo. Oui, il disait ça. Il disait que c'était à cause de MeToo. En fait, les hommes ont loupé le coche, ils ont loupé quelque chose. Oui. C'est-à-dire que l'éducation joue beaucoup. Mais il y a quelque chose qui a été loupé, en fait, qui a été manqué, c'est que les hommes, au lieu de se remettre en question... Ils se sont sentis attaqués. Ils se sont sentis attaqués, menacés, en fait. Oui, c'est littéralement ça. Ils se sont sentis menacés par le bouleversement, finalement. Les femmes, maintenant, au lieu de se dire « qu'est-ce que je peux apporter ?», ils se disent « non, les femmes, elles peuvent subvenir à leurs besoins. Elles peuvent travailler. » Donc, du coup, ils se disent « mais en fait, qu'est-ce que je fais ? À quoi je sers ?» Et au lieu d'essayer de se poser la question de comment, en fait, je peux, entre guillemets, me rendre utile autrement qu'en dominant, ils sont, en fait, sentis menacés. Voilà. Et c'est super triste parce que, finalement, la lutte féministe, c'est vouloir vraiment... L'égalité entre les femmes et les hommes ou les hommes et les femmes. Exactement. Et en fait, on ne peut le faire sans intégrer les hommes avec nous. Complètement. Attention, tous les hommes ne sont pas comme ça. Faut pas non plus les stigmatiser. Dans le même panier, mais effectivement, je suis complètement d'accord avec toi sur l'effet MeToo qui a impacté plus dans le sens comme une menace not all men, tout not ça. All... voilà. Et au final, c'est pas ce qu'on essaye de dire. Ce qu'on veut, c'est un peu d'empathie et essayer de comprendre notre condition et essayer de vous rallier à notre cause, tout parce qu'on a énormément besoin des hommes. Alors, je dirais pas notre cause, mais je dirais la cause de tout le monde. Effectivement, autant pour moi, la cause de tout le monde, effectivement. C'est pour ça que moi, je serais plutôt d'avis de dire que... Enfin, après, c'est mon humble avis. De dire qu'on est d'abord des êtres humains avant d'être une femme ou un homme. Maintenant, quand je pose cette question, parce que j'ai fait un petit sondage autour de moi, la majorité des personnes à qui je pose cette question, sans donner mon avis, disent d'abord qu'elles sont une femme ou un homme avant de répondre à un être humain. Mais moi, depuis que je suis petite, je me sens toujours d'abord être humaine avant ou être humain. Ça relance un autre débat sur est-ce que binaire ou pas, tu vois. Ah, ça, c'est un autre débat. Mais vous, vous sentez quoi d'abord, être un être humain ou une femme ou un homme dans votre métier ? Eh ben, naturellement, je te dirais d'abord un être humain. Mais malheureusement, c'est l'environnement dans lequel on évolue qui nous renvoie finalement à notre position. Et donc forcément, on est obligé de répondre. Oui, alors et on est d'assumer en fait ce positionnement-là. Donc, ce qui peut donner l'impression qu'on se qualifie d'abord en tant que femme plutôt qu'en tant qu'être humain. Donc mais tu te qualifies d'abord femme politique ou personnalité politique ? Non, d'abord personnalité politique, mais donc lorsqu'on va m'attaquer sur le fait est-ce que je suis une femme ou pas, bien évidemment que je vais assumer ma féminité, je vais assumer mon genre. Oui. Et toi Agathe, quand tu te présentes face à quelqu'un avec qui tu vas par exemple donner ton avis par rapport à un client, tu vas d'abord te sentir, quand tu vas parler femme qui exerce son métier ou alors contrôleuse. Oui, effectivement, contrôleuse. Enfin, c'est bien, oui. Non, pas du tout vis-à-vis okay. de mon genre. Mais non, oui. Ok, bon, bah merci les filles en tout cas pour ce bah, petit entretien. Merci. Est-ce que vous voulez dire quelque chose ou pas? Moi, ça ira, je pense. Je sais pas, là, de but en blanc, tu me prends de coup. Ouais, ouais, c'est le but. Non, j'aimerais. Non, peut-être encourager, j'ai envie de dire peut-être encourager les femmes à s'engager en politique. Je sais que c'est compliqué, ça peut être compliqué, ça peut être quelque chose où vraiment, je vais pas vous cacher, vous allez peut-être avoir quelques petites larmes qui vont ouais. sortir, mais ça vaut le coup. En fait, on ouvre la voie, même si on n'aura pas un grand destin, une grande carrière, quelque chose. Enfin, c'est pas le but, mais de réussir à être une éclaireuse, à ouvrir mm-hmm. la porte, mettre le pied dans la porte pour d'autres mm-hmm. femmes qui, elles, on feront des grandes choses. C'est ça, on exactement. A besoin de modèles, ouais. Exactement. Donc du coup, voilà, c'est aussi moi ce qui me permet de tenir des fois quand j'ai envie ouais. de quand j'ai envie d'abandonner, de me dire ah, y a peut-être des filles ou des femmes oui, qui que disent, tu vas inspirer. Voilà, qui disent ah bah elle l'a fait. Et pourtant elle n'a pas le profil, c'est que c'est possible. Allez, et surtout, tu l'as fait pour défendre tes idées qui tout sont sociales et universelles, fait. Qui touchent tout le monde finalement. Tout à fait. Et toi, Agathe? Et moi, je ne peux qu'encourager les filles à prendre confiance en elles. À débrider tout ce qu'on peut dire. Les filles n'aiment pas les maths, les filles, elles doivent aller dans tel ou tel domaine. En fait, vraiment, c'est une question de confiance en soi et ne vous limitez pas. C'est beau d'aller au bout de ses convictions et de ses passions. Et voilà, j'espère. Il y a une asso qui fait des interventions dans des lycées auxquels j'ai participé. Ça s'appelle Elle Bouge. Okay. Et ça met en avant voilà, des métiers où... on est sous-représenté en tant que femme okay. et c'est super important d'avoir des modèles comme tu ouais. le dis et bon, voilà, j'ai pas la prétention de dire que j'en suis un mais au moins qu'il y ait des personnes qui s'investissent dans ce genre de démarche, c'est génial et voilà que les filles prennent confiance en elles et aussi je pense on pourrait faire le parallèle que les hommes aussi ne se contentent pas à des domaines oui. de virilité parce qu'il n'y a pas c'est que un seul dans un seul sens pour moi c'est aussi dans les deux voilà. Et que la virilité elle peut se trouver partout que ce soit pour les hommes ou pour les femmes quel que soit le domaine aussi. Je vais finir avec une musique qui traduit bien nos échanges de Miley Cyrus hein, forcément Flowers. Voilà. Merci. Merci. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Started to cry, but then remembered I